que t'aimes mon style. Le thème c'est Do you like my stylo. J'ai mon papier et mon stylo. J'écris des mots puis les pose, passe au micro. J'ai le bien possible, en moi se cache un cœur sensible. J'écris des sons et je rêve qu'ils deviennent des hits. Rêvant de hit parade, tu mets que t'écoutes et que tu kiffes grave. Même les meufs maquées me désirent, pas grave. J'suis pas un mec jaloux, non. Jouer, je suis un player, pas le meilleur, mais j'écris avec bon sens, loin d'être un faux rappeur. J'y mets tout mon cœur pour toucher le tien. Dans le passé, je représentais pour les miens, mais les miens sont devenus des chiens. J'ai compris que l'amour coulait vite pour rien. Si tu m'aimes, dis-le moi, je te le rendrai bien. Crois-moi, laisse-moi savoir si t'aimes mon style. Hein. You know. Like tes potes, tes copines, histoire de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Je fume un peu de weed, je sais que je me rapproche de la mort, mais de nos jours la mort traîne partout dehors. Tu m'as vu te sourire, t'inquiète pas que c'était sincère. Je respecte trop mes sœurs et frères pour te planter par derrière. La vie c'est une course de haine remplie de haine. Si tu tombes, tu crèves, mais j'essayerai de te donner la main pour te relever. Mentalité de soldat, j'abandonne pas ce que j'ai commencé. Je fais les choses à fond, tu ne peux le nier. Une fille dans mes bras, un flash. Je déclenche une photo de plus sur le mur. Mon rap est mûr, il est temps que tu le constates avant qu'il soit trop tard. Seul dans mes draps, je me couche tard. J'ai dit pas mal de conneries, j'ai blessé des personnes, désolé. Tiens, je te rends ton sourire. Qui était là quand je souffrais? Mon esprit s'était assombri, tout le monde s'en moquait. Mais j'ai continué à vivre, à lutter, à écrire pour évacuer. Casque sur les oreilles tout le long de la nuit. Je me réveille à plus de midi avec aucune envie. La télé passe trop de conneries, l'ennui m'a habité. Et se loger même dans mon lit. Tu vois cette poésie? Non. T'as besoin de mûrir pour après un destin invisible. On se comporte comme des débiles. Aujourd'hui les filles couchent facile et je déteste les voir se salir. Je n'aimerais pas être votre futur fils. Enfin bref, passons. Les rappeurs sont toujours pris pour des cons. Merci aux rappeurs qui passent à la télé. Vous avez tout gâché, allez vous cacher.